4 heures du soir, quand Goriot rentra, il vit, à la lueur de deux lampes fumeuses, Victorine, dont les yeux étaient rouges. Madame Wauquiez écoutait le récit de la visite infructueuse faite à M. Taillefer pendant la matinée. En effet, M. Taillefer continue toujours à priver de dot sa fille au profit de son frère.